même chemin que lui, toi, nous, elle. Enfin, eux, ne pas rêver en silence, leur verser des songes plein les yeux, à la recherche d'un signe. Cherche d'un signe, le destin en bel escroc s'est déguisé en hasard. Il se marre dans notre dos, cache plein de masques dans le placard, à la recherche d'un signe, du nom, d'une ligne, d'une fille, du nom, d'une ville, d'une fille, du monde. Recherche d'un signe.